Je repense à mon clan, destin de ville, déclin. Je pense qu'à gruger, nique la justice, y'a que Dieu qui peut me juger. J'ai les joues pleines de textes, ils sont souvent tristés. Je marche sur des roses rouges, pas de lyrics à l'eau de rose, pisté. Parle mal, des PD dans le rap, parle mal. Ce qu'ils me comprennent, font la boule pour qu'ils se prennent. Mes lyrics s'imprègnent, d'une optique jusqu'à l'infini. Ici, c'est la merde. Jungle urbaine, plein de faux, veut pas d'être Vincennes. Un scream et rime comme à la SACEM. Il faut se prendre ce qu'on enseigne. C'est comme la guerre, nos rap de Saddam Hussein. Frère, break, j'suis pervers, j'suis ta bon contre shoot ça. Sans le génocide, comme l'autopsie d'un Tutsi. J'gomme mes ennemis, qu'ils soient ici ou au Rwanda. J'laisse croire que j'suis aveugle, ils me prennent pour Stevie Wonder. Fils, pas de lunettes noires, j'pars en fumérage, j'assiste aux funérailles. Rap bizarre en noir, diamant noir et fun ride. Mauvais œil porté par l'enculé. Qui voudrait voir le projet reculer, nos sapes de sang maculé. Que le destin bascule, mauvais œil porté par l'enculé. Qui voudrait voir le projet reculer, nos sapes de sang maculé. Que le destin bascule, provoque faiblesse et chaos. Déprime dans les troupes ennemies, amène espoir, unité et force au sein de nos familles. Laisse sourire les hypocrites et regarder les envieux, ceux dont les yeux le mal expriment. Ne se capte que l'obscurité dans leur rétine. Observe la vie sans la comprendre, que cette haine anesthésie les sens. Mauvais œil comme une euthanasie, accélère les funérailles, la vision rougit. Quand la jalousie ronge de trop, les démons sont des maestros, orchestre à déchéance. Tout ça est réel, les gens de l'invisible, la novice mais l'avertissement écoute. Ta foi baisse à chaque fois que tu doutes et sans zèle. C'est comme un ange sans aile, guette le poison que le mauvais œil jette. Quand dans le crâne d'un flic ça cogite sur nos têtes, en cage sur une flaque de sang. C'est la rage qu'on possède avant la sagesse. Mauvais œil, mauvais œil porté par l'enculé. Qui voudrait voir le projet reculer, nos sapes de sang maculé. Que le destin bascule, mauvais œil. Mauvais œil porté par l'enculé. Qui voudrait voir nos projets reculer, nos sapes de sang maculé. Que le destin bascule, mauvais œil. Mauvais œil porté par l'enculé. Qui voudrait voir nos projets reculer, nos sapes de sang maculé. Que le destin bascule, mauvais œil. Mauvais œil porté par l'enculé. Qui voudrait voir nos projets reculer, nos sapes de sang maculé. Que le destin bascule.